Un saint par Paul Bourget. Je me trouvais au mois d'octobre 1880 et quelques, voyagé en Italie, sans autre but que de tromper quelques semaines en revoyant à mon aise plusieurs des chefs-d'œuvre que je préfère. Ce plaisir de la seconde impression a toujours été, chez moi, plus vif que celui de la première, sans doute parce que j'ai toujours senti la beauté des arts en littérateur, autant dire en homme qui demande d'abord à un tableau ou à une statue d'être un prétexte à penser. C'est là une raison peu esthétique et dont tout peintre, véritablement peintre, sourirait. Elle seule, cependant, m'avait amené, dans le mois d'octobre dont je parle, à passer plusieurs jours à Pise. J'y voulais revivre à loisir avec le rêve de Benozzo Gozzoli et d'Orcagna. Entre parenthèses, et pour ne point paraître trop ignorant aux connaisseurs en histoire de la peinture, j'appelle de ce nom d'Orcagna l'auteur du triomphe de la mort au Campo Santo de cette vieille Pise, en sachant très bien que la critique moderne discute à ce maître la paternité de ce travail. Mais, pour moi et pour tous ceux qui gardent dans leur mémoire les admirables vers du Pianto sur cette fresque tragique, Orcagna en est, il en restera le seul auteur. Et puis Benozzo n'a pas perdu, devant cette douteuse et fatale critique de catalogue, son titre à la décoration du mur de l'Ouest dans ce cimetière. Mon Dieu, que j'aurais éprouvé, dans ce petit coin du monde, des sensations intenses, à me souvenir que Byron et Shelley ont habité la vieille cité toscane, que mon cher maître, M. Taine, a décrit la place avoisinante dans sa page la plus éloquente, que ce grand lyrique du Pianto est venu ici, enfin que Benozzo Gozzoli, le laborieux ouvrier de poésie peinte, repose enseveli au pied de ce mur où s'effacent doucement ses fresques. J'ai vu, dans cet enclos du Campo Santo pisan, et sur cette terre apportée de Palestine en des siècles pieux, le printemps nouveau faire s'épanouir des narcisses si pâles au pied des noirs cyprès. J'ai vu des hivers y semer des flocons si légers d'une neige aussitôt dissoute. J'ai vu le ciel torride d'un été italien peser sur cet enclos sans ombre d'un poids si dur. Et je n'en suis pas blasé, puisque j'y revenais cet automne-là, sans m'attendre au drame moral auquel cette visite devait m'associer sinon comme acteur, du moins comme spectateur très ému et presque malgré moi. Le premier épisode de ce drame fut, comme celui de beaucoup d'autres, un incident assez vulgaire et que je rapporte pourtant avec plaisir, quoiqu'il ne tienne au reste de l'histoire que par un lien très frêle. Mais il évoque pour moi deux figures plaisantes de vieilles filles anglaises. Au cours de mes visites au Campo Santo, j'avais remarqué ce couple qui, par son étrange laideur, et par la singularité utilitaire du costume, semblait une illustration vivante et caricaturale du vers si touchant d'un poète à une morte. Tu n'as plus de sexe ni d'âge. La plus rousse des deux, à la rigueur l'autre pouvait passer pour une blonde un peu ardente, s'acharnait à laver une aquarelle d'après la femme du triomphe de la mort. Celle qui, dans la cavalcade de gauche, se tient de face avec ses yeux candides et sa bouche fine, des yeux et une bouche qui n'ont jamais pu mentir, et que l'on n'oublie pas lorsqu'on les a aimés. La pauvre Anglaise ne possédait pas le moindre talent, mais le choix de ce modèle et la conscience de son labeur m'avaient intéressé. Puis, comme ces demoiselles habitaient le même hôtel que moi, j'avais assez indiscrètement cédé à ma curiosité en cherchant leur nom sur la pancarte destinée aux étrangers. J'avais vu que l'une des deux s'appelait Miss Mary Dobson et l'autre Miss Clara Roberts. C'étaient deux filles d'environ 50 ans, en train d'exécuter cette tournée abroad, comme elles disent, que des milliers de leurs courageuses collègues en célibat forcé ou volontaire entreprennent chaque année hors de la grande île. Elles se mettent à deux, à trois, quelquefois à quatre, et les voilà parties seules pour des 15 et des 20 mois, s'installant dans des pensions clandestines, dont toute une franc-maçonnerie de voyageuses comme elles se transmet l'adresse, apprennent des langues nouvelles malgré leurs mèches grises, s'appliquant à comprendre les arts avec une héroïque persévérance, traversant les pires milieux avec leur pureté d'ange, et partout elles retrouvent une église anglaise, un cimetière anglais, une pharmacie anglaise. Sans compter qu'elles n'ont pas cessé un jour, fût-ce au fond des Calabres ou sur le Nil, de se préparer leur thé à l'anglaise et aux heures où elles étaient habituées à le déguster dans leur salon du Devonshire ou du Kent. J'ai une telle admiration pour l'énergie morale qui se cache derrière les ridicules extérieurs de ces créatures, qu'au cours de mes trop nombreux vagabondages, j'ai toujours lié conversation avec elles, ayant d'ailleurs éprouvé que le goût du fait précis qui domine leur race les rend souvent précieuses à consulter. Elles ont toujours vérifié toutes les assertions du guide et quiconque aéré, un Baedeker à la main, dans une province perdue d'Italie, avouera que ces vérifications-là sont trop utiles. Aussi, le troisième soir de mon séjour à Pise, le départ de quelques convives veillant à la table d'hôte rapprochait mon couvert de celui des deux vieilles filles. Je commençais de leur parler, sûr d'avance qu'elles ne perdraient pas cette occasion de pratiquer leur français. Vous voyez d'ici le décor et la scène, n'est-ce pas? Une pièce d'un ancien palais transformé en salle à manger d'hôtel et plus ou moins meublée à la moderne, un plafond peint de couleurs vives, une longue table avec un petit nombre de couverts, car la saison d'hiver n'est pas commencée. Sur cette table se balancent dans leurs appuis de cuivre des fiaschi, de ces délicieuses bouteilles au col long, à la panse garnie d'osier, où l'on enferme le vin dit de Chianti. Si la petite montagne de ce nom fournissait de quoi remplir les flacons étiquetés à son enseigne, elle devrait donner une récolte par semaine. Mais ce faux Chianti est du vrai vin tout de même, dont la saveur un peu âpre sent bien le raisin, et sa chaleur colore les teints des 7 à 8 personnes échouées à cette table. Un couple d'Allemands, qui accomplit de ce côté-ci des Alpes le classique voyage de noces, un négociant milanais, avec une figure à la fois sensuelle et chafouine, deux bourgeois liguriens venus en visite dans les environs et qui se sont arrêtés ici pour embrasser un neveu, officier de cavalerie. Il est à table avec nous, ce neveu, en costume de capitaine, élégant, jovial, et qui parle haut avec l'accent un peu guttural de la rivière. Ses discours, coupés de grands rires, m'apprennent l'odyssée de ses parents, à laquelle je m'intéresserais davantage si Miss Mary Dobson n'avait commencé un récit qui passionne en moi le quatrocentiste, l'amoureux des fresques et des tableaux sur bois d'avant 1500. C'est la plus rousse des deux Anglaises, celle dont le pinceau d'aquarelliste affadissait si gauchement le rude dessin du maître primitif. Et après une longue dissertation sur le problème de savoir si le fameux triomphe doit être attribué à Buonamico, Bufamalco ou à Nardo d'Adi, voici qu'elle me demande. Vous êtes allé au couvent du Monte Chiaro. Celui qui est entre Pise et Luc, dans la montagne, de l'autre côté de la Verruca, lui répondis-je. Mais non. J'ai vu dans le guide qu'il fallait 6 heures de voiture. Et pour 2 malheureuses terres cuites de Luca della Robbia qu'il signale, et quelques peintures de l'école de Bologne. De quand est votre guide? Me demanda sèchement Miss Clara. Je ne sais trop. Fis-je un peu interloqué par l'ironie avec laquelle cette bouche aux longues dents m'interrogeait. J'ai la superstition de garder toujours le même depuis que je suis descendu en Italie pour la première fois. Il y a déjà un peu de temps, c'est vrai. Voilà qui est bien français, reprit Miss Clara. Le pré-raphaélitisme de celle-là, je le compris aussitôt, n'était qu'une forme de sa vanité. Je ne relevais pourtant pas cet épigramme national, comme j'eusse pu le faire, du tac au tac, en soulignant simplement la bienveillance par trop britannique de cette remarque. En présence des Anglais de l'espèce agressive, le silence est l'arme véritable et qui les blesse au vif de leurs défauts. Ils ont soif et faim de contradictions, par cet instinct de combativité propre à leur sang, qui précipite cette race à toutes les conquêtes comme à tous les prosélytismes. Je subis donc avec la magnanimité d'un sage le regard aigu des yeux bleus de Miss Clara, qui défiait en champ clos le peuple entier des Gallo-Romains, d'autant plus que Miss Mary continuait. C'est qu'on y a découvert, il y a 2 ans, de si belles fresques de votre cher Benozzo, et aussi fraîches, aussi brillantes de coloris, que celles de la chapelle Riccardi à Florence. On savait bien qu'il avait travaillé dans le couvent, et qu'il y avait peint, entre autres choses, la légende de saint Thomas. Ce calomniateur de Vasari le raconte. Mais de ce travail que le maître exécutait environ à la même époque que celui de Pise, pas de trace. Et voyez le hasard. Le père Griffi, le vieux bénédictin qui garde le monument depuis que le cloître a été nationalisé, ordonne un jour au domestique de nettoyer une toile d'araignée tendue dans l'angle d'une des cellules qui servent aujourd'hui à loger les hôtes. Un morceau de plâtre se détache sous le premier coup de balai donné trop fort. L'abbé demande une échelle. Il grimpe en haut malgré ses 70 ans passés. Il faut vous dire que ce couvent, c'est son amour, sa passion. Il l'a vu peuplé de 200 moines, et il a accepté cette mission d'y rester comme gardien, lors du décret, avec la certitude qu'il le reverra de même. Sa seule idée est qu'au jour de la rentrée, les pères trouvent l'antique bâtiment sauvé de toute souillure. C'est pour cela qu'il a consenti à cette pénible charge de prendre en pension les touristes de passage. Il a eu peur qu'il ne s'établît une auberge à la porte, comme au Mont Cassin, et cette auberge à côté de son couvent, avec des Américaines qui auraient dansé au piano le soir, il n'en a pas supporté l'idée. Mais quand il fut haut de l'échelle, dis-je pour couper ce panégyrique de Don Griffy, j'appréhendais qu'il n'aboutît par réaction à quelque attaque d'un protestantisme intolérant, et Miss Clara n'y manqua point. Le fait est, dit-elle en profitant de cette interruption, que je n'aurais jamais cru avant de le connaître qu'on pût être aussi intelligent et aussi actif sous un tel habit. Quand il fut haut de l'échelle, reprit Miss Mary, il gratta avec beaucoup de soin un peu de plâtre encore tout autour. Il put distinguer un front et des yeux, puis une bouche, enfin le visage entier d'un Christ. Tous ces Italiens sont des artistes. Ils ont cela dans leurs veines. L'abbé se rendit compte qu'il y avait une fresque de grande valeur sous ce badigeon de plâtre. Les moines, interrompit de nouveau Miss Clara, n'ont rien eu de plus pressé que de passer à la chaux tous les chefs-d'œuvre du XVe siècle ou de remplacer par des ornements de style baroque et des fresques de décadence les décorations des vieux maîtres. Ils les avaient commandées pourtant, dis-je, ces décorations, ce qui prouve que le bon et le mauvais goût ne tiennent aucunement aux convictions que l'on professe. Naturellement, reprit la terrible Anglaise, étant parisien, vous êtes sceptique. Laissez-moi finir mon histoire, fit Miss Mary, dont je constatais qu'elle n'était pas simplement pré-raphaélite. Elle était bonne aussi, ce qui par notre temps de cabotinage esthétique est plus rare. Elle souffrait visiblement des dispositions trop militantes de sa compagne à mon égard. « Cher Miss Roberts, vous discuterez ensuite. »« Comment donc faire ?» se demanda le brave abbé, pour débarrasser ce mur de son revêtement de chaux sans endommager la fresque. Voici le procédé qu'il a employé. Coller une serviette sur le plâtre et la laisser sécher jusque la toile y adhère fortement. Alors, arracher le tout, puis gratter, gratter, pouce à pouce. Il lui a fallu des mois, au bon vieil homme, pour découvrir ainsi tout un premier pan de mur où se trouve représenté le saint Thomas, justement, qui met son doigt dans la plaie du Sauveur, et puis un second, où l'on voit l'apôtre reçu en audience par le roi des Indes, Gondophorus. « Mais connaissez-vous cette légende ?» me demanda brusquement Miss Clara. Cette fois, je ne lui donnais pas la satisfaction de constater de réchef la superficialité française. J'avais lu ce récit, oh, bien par hasard, dans le livre de Voragine, un jour que j'y cherchais un sujet de conte et pour un journal du boulevard, faut-il l'avouer. Je m'en souvenais à cause du noble symbolisme qu'il renferme, en même temps que son caractère exotique lui donne un charme de pittoresque. Comme saint Thomas se trouvait à Césarée, notre Seigneur lui apparut et lui ordonna de se rendre chez Gondophorus, attendu que ce roi cherchait un architecte afin de se bâtir une demeure plus belle que le palais de l'empereur de Rome. Thomas obéit. Il arrive à la cour du prince. Il offre ses services. Il est agréé. Gondophorus, sur le point de partir pour une guerre lointaine, lui donne une énorme quantité d'or et d'argent destinée à la construction du palais. À son retour, il demande au saint où en est le travail. Thomas avait distribué aux pauvres tous les trésors qui lui avaient été confiés jusqu'au dernier sou, et pas une pierre du palais promis n'avait été seulement remuée. Le roi, furieux, fait emprisonner cet étrange architecte et il commence à méditer sur les supplices raffinés qu'il réserve aux traîtres. Mais voici que la même nuit, il voit se dresser au pied de son lit le spectre de son frère, mort depuis 4 jours, et qui lui dit « L'homme que tu veux torturer est un serviteur de Dieu. Les anges m'ont montré une merveilleuse demeure d'or et d'argent et de pierres précieuses qu'il a bâtie pour toi dans le paradis. » Bouleversé par cette apparition et par ce discours, Gondophorus court se jeter au pied du prisonnier, qui le relève en lui répondant « Ne savais-tu donc pas, ô roi, que les seules maisons qui durent sont celles qu'élève pour nous au ciel notre foi et notre charité. » Il est certain, dis-je après avoir rappelé cette légende, non sans une complaisance maligne, que c'est là un sujet très intéressant pour un peintre épris, comme Benozzo, des somptueux costumes, des architectures compliquées, des paysages aux flores démesurées, des animaux chimériques. « Ah ! » s'écria Miss Dobson, en repoussant dans son exaltation le plat de figues noires et vertes que lui offrait le garçon. Un drôle à la joue raide d'une barbe de 6 jours et dont l'habit noir râpé s'ouvrait sur d'étonnants boutons de corail rose piqués dans un plastron de chemise élimée. Vous ne vous imaginez pas la magnificence du Gondophorus, une espèce de mort, avec une robe de soie verte relevée d'or et en relief, avec des bottes jaunes garnies d'éperons qui sont en or aussi, et un coloris fluide et d'une fraîcheur. Pensez donc, ce badigeon de plâtre a dû être appliqué sur ce mur vers la fin du XVIe siècle. Pas une dégradation, pas une retouche. Et il reste dans cette cellule, qui fut, paraît-il, l'oratoire des évêques en visite, un grand mur à découvrir et le dessus d'une fenêtre. Nous en étions là de notre entretien, et je demandai à Miss Mary quelques détails sur les moyens de communication entre Pise et ce couvent. Il m'attirait déjà à n'y pas résister par cette révélation sur ces œuvres inédites de mon peintre favori. Quand la porte s'ouvrit, et donna passage à un couple sans doute déjà connu des deux Anglaises, car je vis Miss Mary rougir et baisser les yeux, tandis que Miss Clara disait en anglais à son amie « Mais c'est ce Français et cette femme que nous avons rencontrés à Florence, à la Trattoria. Comment un hôtel respectable reçoit-il des personnes pareilles ?» Je regardai à mon tour et je vis en effet s'asseoir à une des petites tables placées à côté de la grande, un ménage dont l'irrégularité était trop flagrante pour que je pusse accuser de calomnie ma redoutable voisine. Nier la nationalité du jeune homme m'était également impossible. Il pouvait avoir 25 ans, mais ses traits tirés, son teint pâle, ses épaules maigriottes et la nervosité visible de tout son être, lui donnaient une physionomie un peu vieillotte que corrigeaient deux yeux noirs très vifs et très beaux. Il était vêtu avec une demi-élégance qui sentait à la fois la prétention et un rien de bohémianisme. Comment ? Je ne saurais pas rendre cette nuance avec des mots, pas plus que je ne saurais expliquer le caractère général qui faisait de cet inconnu un type exclusivement, inévitablement français. C'est une coupe d'habit et c'est un geste. C'est une manière de s'asseoir à table et de prendre la carte pour commander. Et vous savez que vous avez à deux pas de vous un compatriote. J'aurais le courage de l'avouer, dussé-je blesser ce qu'un humoriste appelle plaisamment le patriotisme d'antichambre. Une telle rencontre doit plutôt effrayer que charmer. Il semble que le français en voyage mette en dehors ses pires défauts, comme l'anglais et l'allemand d'ailleurs. Seulement ceux de l'anglais me sont indifférents, ceux de l'allemand me divertissent, et ceux du français me font souffrir parce que je sais combien ils calomnient notre cher et brave pays. Je n'ai jamais entendu dans un café d'Italie un Parisien de passage parler haut et blaguer la ville où il se trouvait et celle d'où il venait, avec des phrases malicieusement dépréciantes, sans songer qu'il y a autour du causeur 20 oreilles à comprendre ses plaisanteries, ou du moins la lettre de ses plaisanteries. Car 5 étrangers sur 10 savent notre langue, et combien savent son esprit, je veux dire l'innocence foncière de sa moquerie, 1 sur 100 peut-être. Que d'absurdes malentendus nationaux s'entretiennent et s'enveniment de la sorte, par ces inconsidérés bavardages en public, comme par des articles griffonnés, sans mauvaise intention, dans un coin de bureau de journal, pour faire de la copie. Mon inconnu appartenait, heureusement pour mes nerfs, à l'espèce qui existe aussi, grâce au ciel, des Français silencieux. D'ailleurs, sa compagne de ce soir-là absorbait son attention d'une manière qui justifiait presque la violente sortie de Miss Roberts. Elle pouvait, cette amie mystérieuse, avoir près de 35 ans, et s'il était lui, par tout son aspect, un Français de la classe bourgeoise, elle était, elle, italienne, de sa petite tête à ses petits pieds, depuis son visage un peu trop marqué jusqu'au fanfreluche de sa robe, et depuis l'extrémité de son bras chargé de bracelets jusqu'à la pointe de son soulier au talon un peu haut. Ses yeux très noirs traduisaient de leur côté, en regardant le jeune homme, une passion qui ne devait pas être jouée. Ni l'un ni l'autre ne paraissait se douter qu'il pût être l'objet d'une observation quelconque, et bien que je ne sais quoi lui donna à lui une vague expression de sournoiserie et de défiance, cet air d'un sentiment partagé me les rendit du coup assez sympathiques pour que j'entreprisse de les défendre contre Miss Roberts qui insistait, avec cela qu'elle a au moins 20 ans de plus que lui, « Mettons-en 10 », interrompis-je en riant, « elle est très jolie. » Chez nous, jamais un gentleman ne s'afficherait ainsi avec une créature qui est aussi peu une lady. Je lui suggérai d'avoir prononcé cette phrase en anglais, que mon jeune compatriote ne comprenait peut-être pas, d'autant qu'elle l'avait lancée d'une voix très claire. Je ne pus cependant m'empêcher de lui répondre dans le même idiome, un peu par vanité, j'en conviens. « Mais comment savez-vous que ce n'est pas une lady ? Comment je le sais ? » Ah, ma petite vanité de lui prouver que je parlais sa langue, j'en fus puni aussitôt, car il rectifia ironiquement ma prononciation en répétant mes propres termes. « Mais regardez-la manger !» Je suis obligé de confesser qu'en ce moment-là, ces deux exemplaires de la race latine offraient un spectacle qui ne réalisait aucun des préceptes enseignés par les gouvernantes d'Outre-Manche. En attendant que le potage fût servi, il avait attaqué, lui, le flacon de Chianti et le pain posé sur la table. Il s'amusait à tremper son pain dans son vin, tandis qu'elle, elle suçait même un morceau de citron pris dans une des assiettes du couvert. Le contraste entre la fille d'Albion, comme on disait dans les romans de 1830, et ses enfants de la nature était un peu trop fort. J'eus peur de mon rire, et comme le dîner était achevé, je quittai la table en même temps que les Allemands, le Milanais, les parents de l'officier et l'officier lui-même. Je pensais que mes deux voisines auraient au fait de partir après moi, ce qui ne manqua point, et de laisser les deux amourants tête à tête sous la protection indulgente du camérier au bouton de corail. Peut-être eus-je quelque mérite à ce départ un peu précipité, car j'avais flairé un petit roman dans la rencontre paradoxale de ce jeune Français et de cette Italienne. Mais je mourrais avant d'avoir pu pratiquer sans remords ce rôle d'espion que les écrivains modernes appellent la recherche du document et dont ils se vantent comme d'une vertu professionnelle.